1. Je te prête le stylo. 2. Tu nous présentes les copains de Michel. 3. Il demande le cahier. 4. Le cours commence à 16h. 5. Tu connais les garçons là-bas? 6. Le professeur arrive en retard. 7. Tu as les livres de première année? 8. Le secrétaire porte des lunettes.